Oh, comment ça va? Je suis si contente. Tu as eu un enfant. Oh, ça doit être marrant. Et le boulot, ça roule. Tu as même eu un prix. Oh là, ça m'épate. Comme je suis ravie. Mais dans ma tête, je crie. Dans ma tête, je crie. T'as bien ruiné ma vie. Casse-toi la gueule, écrase-toi le doigt, chope-toi un rhume, une bonne crise de foie, pète-toi le fémur, oublie de fermer le gaz, réveille-toi en pleine nuit, j'espère que tu es naze, j'espère que tu es naze. C'est toujours la même. Tu l'as volée une nuit. Drôle de vie quand même. Fais-toi plaquer mon vieux. Et la prostate fait mal. Marche donc à quatre pattes. On est tous animaux. On est tous animaux. Vomis un bon coup dans les chottes de ta mère. Tu verras ma gueule dans la cuvette qui hurle dans les miroirs. Tu vois ma tronche blafarde. Recule devant l'horreur. Écrase une cafane. Écrase une grande cafane. Dans ma tête, je crie. T'as bien ruiné ma vie.